Bismillah, la louange est à Allah, nous le louons en pleurant son aide et lui demandons pardon. Et nous nous protégeons auprès de lui du vice de nos personnes et de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, point d'égarement pour lui, et celui qui l'égare, point de guider pour lui. Et je témoigne qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah unique. Et je témoigne que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son esclave et messager. Ce soir, Inch'Allah, nous allons parler de la réalité des gouverneurs et des juges. La réalité des gouverneurs et des juges, en passant notamment, et c'est là la clé de tout le problème, le statut des lois humaines. Le statut des lois humaines et le rôle des gouverneurs et des juges. Déjà pour commencer, je vais vous citer une parole du petit-fils de Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, Abdurrahman ibn Hassan, rahimahullah, qui a conseillé un des gouverneurs de son époque, et il lui a dit dans Adura Rasaniya, volume 14, page 68, « De même, il est une obligation pour le gouverneur de s'occuper au nom d'Allah de celui qui ramène des ambiguïtés aux musulmans dans leurs croyances. » Comme ceux qui interdisent le tekfir des mouchriquines et les font entrer dans la meilleure communauté parce qu'ils prétendent appartenir à l'islam et prononcent la shahada. Les dégâts que cause cette catégorie de gens sont énormes, surtout chez ceux qui n'ont pas beaucoup de science. Et la majorité des gens ne connaissent pas les preuves pour répondre aux ambiguïtés de ceux qui les propagent et aux égarements des égarés. Donc, une des obligations des gouverneurs, comme nous informe le Cheikh, rahimahullah, il dit qu'il faut que le gouverneur il s'occupe des gens qui propagent des ambiguïtés aux musulmans. Et il cite une des catégories de gens qui propagent des ambiguïtés, c'est par exemple ceux qui viennent et qui te disent « Tu ne peux pas rendre mécréant celui qui fait le shirk parce que il prétend appartenir à l'islam et il dit la shahada. » C'est de ça qu'il parle, le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, rahimahullah. Et maintenant, on va passer au statut des lois humaines. Et on va établir quel est le statut des lois humaines pour passer ensuite au rôle des gouverneurs. Déjà, pour commencer, Allah il a dit dans un verset, « La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. » Allah il a dit aussi dans la sourate 18, verset 26, « Et il n'associe personne à son commandement. » Donc le commandement, dans les deux versets qu'on vient de voir, le premier verset où Allah il a lié la création au commandement, et le deuxième verset dans lequel Allah il a dit qu'il n'associe personne à son commandement, eh bien c'est le commandement cosmique et le commandement législatif. Et la preuve que là, on parle aussi du commandement législatif, et que le commandement législatif aussi n'appartient qu'à Allah, c'est le verset dans lequel Allah il a dit, « Le jugement n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que lui, telle est la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. » Et la preuve dans la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith qui a été rapporté par l'imam Ahmed, dans lequel notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « J'ai été envoyé avec le sabre avant le jugement dernier, afin de mettre en place les lois de la religion d'Allah, jusqu'à ce qu'Allah soit le seul adoré sur la terre, Allah celui qui n'a pas d'associé dans le jugement. » Allah, c'est lui qui n'a pas d'associé dans le jugement. Donc, quand on parle du jugement qui n'appartient qu'à Allah, eh bien ça concerne son droit de légiférer et son droit de trancher les litiges entre les créatures. D'accord? Donc, dans le jugement, il y a deux cas dans le jugement qui n'appartiennent qu'à Allah et il n'a pas d'associé dedans. Légiférer des lois et trancher des litiges entre ces créatures. La preuve que légiférer des lois est un droit qui n'appartient qu'à Allah, c'est un verset dans lequel Allah il a dit, Ou bien auraient-ils des associés qui leur auraient établi des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises? Ou bien auraient-ils des associés qui leur auraient établi des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises? Et la preuve que le droit de trancher des litiges n'appartient qu'à Allah est le verset 57 dans la sourate 6, dans lequel Allah il a dit « Le jugement n'appartient qu'à Allah, il tranche en toute vérité et il est le meilleur des juges. » Le jugement n'appartient qu'à Allah, il tranche en toute vérité et il est le meilleur des juges. Et en ce qui concerne la sunna, il s'agit d'un hadith qui a été rapporté par les imams, notamment par les imams Abu Dawud et An-Nasa'i, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah est le juge et c'est à lui qu'appartient le jugement. » Allah est le juge et c'est à lui qu'appartient le jugement. Donc, là, ce qui est important d'établir, c'est que tout autre jugement, écoutez bien, tout autre jugement qui est suivi, obéi et pris pour juge lors des litiges entre les gens, en dehors du jugement d'Allah, c'est un tagout. Parce que le droit de trancher des litiges n'appartient qu'à Allah. Et à partir du moment que ce droit il est accordé à un autre qu'Allah, cet autre devient un associé à Allah. Je répète, un des droits qui n'appartient qu'à Allah, c'est le droit de trancher des litiges. À partir du moment que ce droit est accordé à un autre que lui, cet autre devient un associé à Allah. Allah, il a dit, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi et à ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le tagout, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire, mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Sourate 4, verset 60. Dans le tafsir d'Ibn Kathir, rahimahullah, on trouve dans l'interprétation de ce verset, le cheikh il dit, Allah blâme quiconque se détourne du Coran et de la Sunna et demande la justice à d'autres choses fausses. Et c'est ça le tagout dont il s'agit ici. Allah, il a dit, les gens formaient à l'origine une seule communauté croyante. Puis, après leur divergence, Allah envoya des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs. Et il fit descendre avec eux le livre contenant la vérité pour régler parmi les gens leurs divergences. At-Tabari, il a dit dans l'interprétation de ce verset, At-Tabari qui était parmi les salafs, il dit, quand Allah il parle, regardez cette partie du verset dans lequel Allah il dit, et il fit descendre avec eux le livre contenant la vérité, le livre contenant la vérité, pour régler parmi les gens leurs divergences. At-Tabari, il dit, cela signifie pour mettre le livre comme juge entre les gens dans leurs disputes. Allah a lié le jugement au livre et a dit que c'est lui qui juge plutôt que les prophètes et les messagers. Car lorsque un prophète ou un messager a jugé, il a en réalité jugé avec ce qu'il a trouvé dans le livre qu'Allah lui a révélé. Ainsi, le livre qui a été décrit comme étant véridique dans son jugement est en fait le juge entre les gens, même si celui qui résout les disputes ne l'est pas. Donc, le livre qu'Allah il a fait descendre est un juge entre les gens. Pour résumer la parole de Tabari qui se trouve dans son tafsir. C'est pour cela que tout autre livre, qui règle le litige entre les gens est un tagout, car la fonction de régler des litiges n'appartient qu'à Allah. Allah, c'est lui qui a révélé le livre qui règle le litige entre les gens. Ce principe, il est confirmé dans une parole d'un savant contemporain, une de ses anciennes paroles, dans laquelle Ibn Uthaymin, il a dit, dans le Fiqh al-Ibada, page 60. Il a dit, c'est comme ceux qui abolissent les lois de la charia dans les affaires sociales et les remplacent par des lois inventées. Il ne fait aucun doute que ceci est un échange entre la loi d'Allah et une autre. Et ceci est une mécréance qui expulse de la religion, car celui qui fait cela s'est mis au niveau du Créateur lorsqu'il légifère pour les serviteurs d'Allah, ce qu'Allah n'a pas permis. Et même pire, qui s'oppose à la loi d'Allah. Et il en a fait la loi qui tranche entre les gens. Écoutez bien ce passage-là de la fin. Et il en a fait la loi qui tranche entre les gens. Toute personne qui va accorder le droit de trancher des litiges à autre qu'Allah, eh bien, il a fait de cet autre qu'Allah un associé à Allah. Allah, il a dit, est-ce donc le jugement de l'époque de l'ignorance qu'il cherche? Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme? Donc on voit dans ce verset-là qu'il y a deux sortes de jugements. Il y a le jugement d'Allah et il y a un jugement qui est en dehors de celui d'Allah. Étant donné qu'Allah il est unique dans le jugement et qu'il n'associe personne à son jugement, tout autre jugement en dehors du sien est un associé au jugement d'Allah, donc un tagout. Et il en est de même, et ceci est très important, pour chacune des lois qui sont issues de ce jugement, même si elles sont en accord avec la loi d'Allah, car chacune d'elles a été mise en place afin qu'elle soit, elle, la loi qui règle les litiges, la loi suivie et obéie en dehors de la loi d'Allah. D'accord? Chacune de ces lois, même si elle est en accord avec la loi d'Allah, elle a été mise en place afin qu'elle soit uniquement elle, celle qui règle des litiges en dehors d'Allah, afin qu'elle soit uniquement elle, celle qui est suivie et obéie en dehors d'Allah. Donc cette loi est un commandement en dehors du commandement d'Allah. Et cette loi est un juge en dehors d'Allah. Donc cette loi est un tagout. Et c'est comme ça que nous disons, et c'est la raison pour laquelle nous disons que la loi est un tagout. La constitution est un tagout. Ibn Kathir, Rahimahullah, il a dit, Al-Juwayni dans Al-Bidaya wa Nihaya, volume 13, page 139. Il a dit, Al-Juwayni mentionna du Yasiq ce qui suit. Écoutez bien qu'est-ce qui était marqué dans le Yasiq. Et vous allez voir que parmi les lois qui étaient dans le Yasiq, eh bien, il y avait des lois qui étaient en total accord avec la loi d'Allah. Alors, dans le Yasiq, il était marqué la chose suivante. Celui qui fornique est mis à mort, qu'il soit marié ou non. Celui qui est homosexuel est mis à mort. Celui qui ment exprès est mis à mort. Celui qui fait de la magie est mis à mort. Celui qui espionne est mis à mort. Celui qui intervient dans une dispute entre deux personnes et soutient l'un des deux est mis à mort. Celui qui urine dans l'eau est mis à mort. Et écoutez qu'est-ce qu'il dit Ibn Kathir, Rahimahullah. Et tout ceci contredit la loi d'Allah, révélée à ses serviteurs, les prophètes, que la paix soit sur eux. Il dit tout ceci contredit la loi d'Allah, parce que le Yasiq et les lois qui s'y trouvent, elles ont été mises en place comme étant un commandement en dehors du commandement d'Allah, comme étant la loi suivie en dehors d'Allah, la loi obéie en dehors d'Allah, et la loi qui règle et tranche des litiges en dehors d'Allah. Et on trouve dedans notamment celui qui commet l'adultère, il est mis à mort, l'homosexuel est mis à mort, et celui qui fait de la magie est mis à mort. Pourtant, ça n'a pas empêché Ibn Kathir, Rahimahullah, de dire que ceci contredit la loi d'Allah. Maintenant, nous allons passer au rôle des gouverneurs. Le rôle des gouverneurs. On va commencer par une parole d'un savant qui était aussi l'imam et le juriste du Nejd, Abu Boutein, rahimahullah, après avoir cité quelques paroles des compagnons des salafs et des savants du Tawhid, il dit « Le Tawhid comprend tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, tout chef égaré qui appelle au mensonge et l'embellit. Tout chef égaré qui appelle au mensonge et l'embellit. De même, toute personne que les gens ont élue pour qu'elle juge entre eux avec des lois de la Jahiliya contraires au jugement d'Allah et de son prophète. De même, les sorciers, ceux qui incitent à l'adoration des statues, et il continue en disant que le plus grand des tawaghites est le diable, Iblis. Et on trouve cette parole dans Fatawa Nejdiya, volume 1, page 325. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est quand il parle de tout chef égaré qui appelle au mensonge et l'embellit, et quand il parle des personnes qui ont été élues pour juger avec des lois de la Jahiliya, contraires au jugement d'Allah. Donc le chef égaré qui appelle au mensonge et l'embellit, c'est un tagout du suivi et de l'obéissance. Et ce tagout-là, il se présente sous quatre formes. La première forme, c'est tout ce qui est suivi et obéi en dehors d'Allah. C'est notamment le cas des constitutions humaines, comme on l'a vu avant. La deuxième forme, c'est toute personne qui est suivie et obéie en dehors d'Allah. Numéro 3, toute personne qui est suivie et obéie dans la mécréance. Et numéro 4, toute personne qui appelle, incite à la mécréance et l'embellit. Et il n'y a pas de doute que les gouverneurs des pays démocratiques sont des chefs égarés qui appellent à la mécréance et l'embellissent. On va voir à quoi ils incitent. Ils incitent les gens à suivre le tagout, c'est-à-dire les lois humaines. Il a été établi que les lois humaines sont un tagout et on ne va pas revenir là-dessus. On l'a dit avant. Donc, ils incitent les gens à suivre le tagout, à obéir au tagout, à respecter le tagout, se soumettre au tagout, accorder le droit de légiférer à autre qu'Allah et accorder le droit de régler les litiges à autre qu'Allah. D'accord? C'est la raison pour laquelle nous disons que la mécréance des gouverneurs des pays démocrates est semblable à la mécréance du shaitan, celui qui est suivi et obéi en dehors d'Allah, et celui qui est suivi et obéi dans la mécréance, et enfin celui qui appelle, incite à la mécréance et l'embellit. Et elle ne s'arrête pas ici, la mécréance des gouverneurs. Parce que pour qu'il obtienne la place du chef de l'État, il doit prêter serment de respecter la constitution de l'État. Pour obtenir la place d'être le chef de l'État, il doit prêter serment de respecter la constitution de l'État. La constitution, on va vous citer quelques articles des lois des pays arabes. Par exemple, article 60 de la constitution du Koweït. L'émir, avant de remplir sa fonction, doit tenir le serment suivant lors d'une assise spécifique. Et il dit quoi ? Je jure par Allah l'immense de respecter la constitution et les lois de l'État. Autrement dit, je jure par Allah de respecter le tagout. Et c'est exactement la même chose pour celui qui va prêter serment de respecter les chartes, comme par exemple la charte de l'ONU. Allah, il a dit, nous avons envoyé à chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous du tagout. Et écoutez cette belle parole d'Ibn Kathir, rahimahullah, qui a dit, le tagout est le diable parce qu'il incarne chaque mauvais chemin que les païens avaient emprunté, comme le fait d'adorer les idoles, d'aller vers elles chercher le jugement et de leur demander de l'aide. Il est aussi très important de savoir que le tagout doit être renié par la croyance, la langue et l'acte. La croyance, la langue et l'acte. Personne ne peut donc prétendre avoir renié le Tagout sans porter témoignage par ses moyens. Car certains peuvent le rejeter par leur langue et leur acte, mais pas par leur croyance. C'est le cas des hypocrites. D'autres peuvent rejeter le Tagout par la croyance, mais pas par la langue, comme ceux qui prêtent serment de respecter les idoles et les tawagites. D'accord ? Comme ceux qui prêtent serment de respecter les idoles et les tawagites. D'autres rejettent le Tagout par la croyance, mais pas par l'acte, comme ceux qui se prosternent devant les tawagites ou vont chez eux chercher le jugement. Fin de la parole d'Ibn Kathir Rahimahullah. Il faut aussi savoir que dans les constitutions, c'est-à-dire les tawagites, parce que la constitution est un tagout, je répète, on trouve dedans des lois en totale opposition avec la législation du Seigneur des hommes. Écoutez, par exemple, article 65 de la constitution du Koweït, l'émir a le droit de proposer des lois et le droit de les approuver et de les émettre. Article 79. Aucune loi ne peut être émise tant qu'elle n'est pas approuvée par l'Assemblée et reconnue par l'émir. Article 29. Les hommes sont égaux dans la dignité humaine et égaux devant la loi en droit et en devoir généraux, sans aucune distinction entre eux, que ce soit pour leur sexe, origine, langue ou religion. Article 32. Il n'y a aucun crime ni aucune sanction, sauf fondée selon la loi. Et il n'y a aucune punition, sauf s'il y a un texte de la loi qui le précise. Article 36. Liberté d'opinion, de recherche scientifique. Et tout homme a le droit d'exprimer son opinion et de la diffuser oralement ou à l'écrit, ou par d'autres moyens, conformément aux conditions exposées par la loi. Article 68. L'émir déclare la guerre de défense par écrit. Quant à la guerre offensive, elle est interdite. D'accord ? Le djihad de conquête, haram. Article 1er de la Constitution du Maroc. Le Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale. Article 4. La loi est l'expression suprême de la volonté de la nation. Tous sont tenus de s'y soumettre. Ok ? Vous êtes tenus de vous soumettre au tagout. Article 6 de la Constitution algérienne. Le peuple est la source de tout pouvoir. La souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple. Et article 60. Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République. Autrement dit, toute personne est tenue de respecter le tagout et de se conformer au tagout. Et si vous prenez la charte de l'ONU, là, on peut prendre 5 points principaux dans lesquels elle s'oppose à la législation du Seigneur des hommes. On trouve notamment dedans le respect des lois humaines, les lois humaines qui sont des tawagites. On trouve aussi l'égalité entre les musulmans et les mécréants quant aux devoirs et aux obligations. On trouve l'annulation du djihad de conquête. On trouve l'annulation de l'alliance avec les croyants et le désaveu envers les mécréants. Et on trouve enfin l'engagement à prendre pour juge le tagout. Et après tout ça, si quelqu'un il a encore un doute, eh bien nous pouvons que lui conseiller de revenir et bien regarder et la charte de l'ONU et les constitutions des différents États démocratiques pour voir de lui-même que les lois qui s'y trouvent sont en totale opposition avec la loi qu'Allah il a fait descendre. Maintenant, on a dit avant donc que le gouverneur, afin d'obtenir sa place de chef de l'État, on avait dit qu'il prêtait serment de respecter la Constitution. Et la Constitution, elle lui accorde deux droits. Écoutez bien. La Constitution, elle lui donne le droit de légiférer des lois en dehors d'Allah et elle lui donne le droit de trancher les litiges en dehors d'Allah. Et lui, au lieu de se désavouer de ça et d'unifier Allah dans le jugement, lui, il accepte que la constitution lui octroie des droits qui n'appartiennent qu'à Allah et il s'engage à respecter cela et à le suivre. Donc il accepte qu'on lui donne des qualités qui n'appartiennent qu'à Allah. Il accepte d'être un égal à Allah dans le jugement. Quiconque met en place une seule loi en dehors d'Allah, comme on a dit avant, en réalité, il aura mis en place un associé à Allah, un tagout. Parce que la loi est un tagout. Et celui qui met en place la loi, il a mis en place le tagout. Alors imaginez maintenant de celui qui va imposer aux gens à ce que ce tagout il soit suivi, obéi et pris pour juge en dehors d'Allah. Imaginez si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été avec nous. Il est difficilement imaginable qu'il ne soit pas considéré, qu'il n'aurait pas été considéré comme étant un hors-la-loi. Parce que un de ses crimes, ça aurait été de dire « Le jugement n'appartient qu'à Allah, il vous a commandé de n'adorer que lui, telle est la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus de shirk et que la religion soit entièrement à Allah. » J'ai été envoyé avec le sabre avant le jugement dernier afin de mettre en place les lois de la religion d'Allah jusqu'à ce qu'Allah soit le seul adoré sur la terre. Allah, celui qui n'a pas d'associé dans le jugement. Et enfin, Jabir ibn Abdullah, rahimahullah, il a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a ordonné de combattre avec ceci, en indiquant son épée, celui qui délaisse cela, en indiquant le Coran. Rapporté dans le Mousnad de l'imam Ahmed. Après tout ça, maintenant, Inch'Allah, on va passer à la signification du mot din. La signification du mot din. Allah, il a dit, car il ne pouvait pas se saisir de son frère, selon le din du roi. Et Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah, il a dit dans l'interprétation de ce verset, il dit que Youssouf ne pouvait se saisir de son frère selon le jugement du roi d'Égypte. Donc, din, le mot din, il signifie le jugement. Allah, il a dit, certes, le din accepté d'Allah, c'est l'islam. Allah, il a dit aussi, et quiconque désire un din autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Alors maintenant, à toutes les personnes qui s'opposent à nous, nous leur demandons, est-ce que celui qui suit un autre din que l'islam est un musulman? Est-ce que celui qui appelle et incite à suivre un autre din que l'islam est un musulman? Est-ce que celui qui embellit un autre din que l'islam est un musulman? Est-ce que celui qui impose à ce qu'un autre din que l'islam soit suivi, obéi et pris pour juge est un musulman? Est-ce que ceux qui combattent pour mettre en place le din accepté d'Allah sont des chiens d'enfer? Et n'oubliez pas ce hadith, je le répète, rapporté par l'imam Ahmed. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai été envoyé avec le sabre avant le jugement dernier afin de mettre en place les lois de la religion d'Allah jusqu'à ce qu'Allah soit le seul adoré sur la terre. Allah, celui qui n'a pas d'associé dans le jugement. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un chien d'enfer? Et Allah, il a dit, ni les juifs ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Dis, certes, c'est la direction d'Allah qui est la vraie direction. Mais si tu suis leur passion, après ce que tu as reçu des sciences, tu n'auras contre Allah ni protecteur ni secoureur. Sourate 2, verset 120. Et pour terminer, Inch'Allah, nous allons passer au rôle des juges. Le rôle des juges. Donc, la constitution d'un État démocratique, elle accorde aux juges le jugement, c'est-à-dire le droit de trancher les litiges en dehors d'Allah. Allah, il a dit, le jugement n'appartient qu'à Allah, il tranche en toute vérité et il est le meilleur des juges. C'est sous cet aspect-là que les juges sont des tawaghites, ou qu'un juge est un tawaghout, un associé à Allah dans le jugement. Par exemple, là je vais vous citer parmi les cinq tawaghites principaux qu'a cité le Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, dans Majmoua Tawhid al-Najdiya, volume 1, page 14, eh bien, nous trouvons celui qui juge d'après une autre loi que celle qu'Allah il a révélée. Il est cité comme le troisième tawaghout principal. Et nous avons le verset dans lequel Allah il a dit, « Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre sont les mécréants. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre sont les mécréants. » Afin de trancher un litige, le juge d'un État démocratique, il va se référer au jugement instauré par les hommes. Donc il va se référer à la Constitution. Et en réalité, comme on l'a dit avant, il va se référer au tawaghout, parce que la Constitution est un tawaghout, étant donné qu'elle est suivie, obéie et prise pour juge en dehors d'Allah. Donc, le juge, il va lui-même prendre pour juge le tawaghout pour trancher un litige. Alors qu'Allah, il a ordonné de mécroire au tawaghout. Allah, il a dit, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi et à ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le tawaghout, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Et là, il y a quelque chose de très important à établir. Écoutez bien, prendre pour seigneur un autre qu'Allah est identique à prendre pour juge un autre qu'Allah. Prendre pour seigneur un autre qu'Allah est identique à prendre pour juge un autre qu'Allah. Car la seigneurie et le jugement n'appartiennent qu'à Allah. Et nous trouvons dans la parole d'Abdurrahman ibn Sa'adi, quand il a dit, dans son livre Al-Qawl As-Sadid, Al-Kitab Tawhid, à propos du verset qu'on vient de citer, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi et ce qu'on a fait descendre avant toi, ils veulent prendre pour juge le tawaghout. Il dit, quiconque demande le jugement à un autre qu'Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam aura pris cet autre comme seigneur et aura pris pour juge le tawaghout. Et Sulayman ibn Sahman, rahimahullah, dans son commentaire du verset « Ceux qui ne jugent pas par la loi d'Allah sont les mécréants » a dit « Et cela expose la mécréance du juge en personne, ainsi que de ceux qui recourent à son jugement, de même que de celui qui ne croit pas en l'obligation de juger d'après la loi d'Allah, même si lui-même n'est pas juge ni ne demande de jugement. » Donc, on voit dans la parole de Sulayman ibn Sahman, rahimahullah, que la mécréance du juge en lui-même et de celui qui lui demande le jugement, elle est semblable. Car les deux, le juge, pour régler le litige, il va se référer à la constitution qui est un tawaghout, et celui qui demande le jugement, il va se référer à quelqu'un qui va lui se référer au tawaghout. Allah il a dit, écoutez bien ces deux versets. Allah il a dit, les prosternations sont pour Allah. N'adorez personne avec Allah. Allah il a dit aussi, le jugement n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que lui. On voit dans ces deux versets que le droit d'être adoré n'appartient qu'à Allah et que le droit d'être pris pour juge n'appartient qu'à Allah. C'est pour cela que quiconque adore un autre qu'Allah aura donné un associé à Allah et quiconque prend pour juge un autre qu'Allah aura donné un associé à Allah. On va terminer là-dessus, Inch'Allah. Et une prochaine fois, on va parler de la mécréance de celui qui légifère une seule sentence en dehors d'Allah. Du shirk dans le jugement. Et qui sont ceux qui sèment la corruption sur la terre, dans le tafsir d'Ibn Kathir, pour passer à l'unanimité d'Ibn Kathir dans le sujet qui nous intéresse, ainsi qu'à la mécréance de celui qui juge avec les lois abrogées, à savoir l'évangile et la Torah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته